As ever, if you had any problems there, go back and review the last section. But if you got that new language right, bravo! You're ready to move on to the final dialogue for this unit as Hélène consults the receptionist on how to get to the food fair. Au parc des expositions à la porte de Versailles. Écoutez. Alors, monsieur, comment pouvons-nous aller au parc des expositions, s'il vous plaît? Au parc des expositions. C'est à la porte de Versailles, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Si vous prenez le métro, c'est peut-être à 40 minutes d'ici. 40 minutes? Oh, c'est assez loin. Oui. Et si nous allons en taxi? En taxi? Ouf! Je ne sais pas, madame. Avec la circulation, c'est peut-être à 50 minutes ou à une heure d'ici. Le métro, c'est plus rapide. Et quelle heure est-il? Maintenant, il est 10h10. 10h10? Oh, alors c'est le métro pour nous. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame.